joie et leur peine. C'est un métissage musical très riche. Comment ça tu sais ça? Eh bien, je lis Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Bonsoir, amateurs de musique progressive. Vous êtes à l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et c'est l'édition du 5 juillet 2014. Vous êtes en compagnie de Bruno France et Jean-François. Et on succède, comme d'habitude, aux illusions auditives et l'excellente musique de Jacques Dulac ce soir. Et j'écoutais la semaine dernière, en revenant de Montréal, de l'émission justement de Jacques et Vincent. Et entre autres, il parlait de Gowan et il disait que le fait de réécouter un vieux disque de Gowan, ça lui trottait toujours dans la tête. Puis effectivement, nous autres, on a ressorti quelque chose qu'on va mettre dans le troisième bloc, c'est-à-dire Kort, un groupe italien qu'on a beaucoup écouté dans les années 90. Ben oui, il l'a ressorti des boulamites. Ouais, ben oui, mais c'est ça le progressif, ça reste bon, c'est les classiques du futur, comme disait Muséa justement dans les années 90. Et on va entendre une très belle pièce qui s'appelle Cries. Depuis que je l'ai ressorti, depuis 2-3 semaines, effectivement, ça me trotte continuellement dans la tête. Mais c'est bien beau, la musique des années 90, mais il y a du nouveau pendant ce temps-là, puis il y a un groupe qui s'appelle Chamal, un groupe allemand que je connais pas encore beaucoup. Michel m'a apporté ça cet après-midi. Et le disque s'appelle Turn Off. Ça se présente comme un trio, mais ce serait l'œuvre du claviériste là, qui compose à peu près tout. Et c'est quand même bon, c'est très floydien. Et puisqu'on parle de Pink Floyd, France, tu m'es arrivé avec une nouvelle que j'ai trouvée un petit peu consternante, mais qui finalement serait assez fondée, c'est-à-dire... Oui, Pink Floyd vont sortir un nouvel album septembre-octobre de cette année. Ben oui, j'ai trouvé ça sur Facebook. C'est une nouvelle qui m'a laissé un peu perplexe. Mais la nouvelle viendrait de Polly Samson. C'est sûr que ça se prononce comme ça, étant donné que c'est une anglophone. Ça s'écrit comme nos chansons d'ici, nos chansons québécois. Et c'est-à-dire la conjointe de David Gilmour. Et Madame Samson dit que l'album s'appellerait The Endless River. Et ça serait basé sur une idée de Rick Wright lors des sessions de Division Bell qui est paru en 1994. Et il semblerait que ce soit crédible. Et on va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Je pense qu'un nouveau Pink Floyd, c'est pas à dédaigner. Moi, j'avais beaucoup aimé On an Island de David Gilmour, mais comme je disais tantôt, j'étais resté un petit peu perplexe parce que David Gilmour disait qu'il ne voulait pas reformer Pink Floyd, peut-être pour rendre hommage à Richard Wright qui est décédé en 2008. Donc, pour l'instant, je pense que pour une première écoute, on n'a pas détesté du tout Chamal. Donc, on va entendre la pièce Never Before et ce sera Ample Deed avec une pièce qui s'appelle We Break Time, va suivre immédiatement après. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Tous les soirs du 3 au 13 juillet, le quartier Saint-Roch s'anime au rythme du Festival d'été de Québec. Radio Radio, Tire le Coyote, Vincent Vallière, Saint-Vincent, John Mayer et plus. L'imposante programmation en salle présentée par Groupe Voyage Québec vous attend. Venez applaudir les artistes que vous aimez et découvrir les vedettes de demain dans une formule plus intime à l'Impérial, au Petit Impérial et au Cercle. Laissez passer en vente à infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. One step beyond. Demain, dès 15h30, soyez à l'écoute de C'est dans le sac pour tout savoir du Festival d'été de Québec. Et nous sommes de retour en compagnie de Bruno, France et Jean-François. Et on a terminé ce premier bloc avec Ample Deed, des jeunes Américains qui trippent sur la musique progressive et ça paraît. Ils ont pondu un disque qui s'appelle A is for Ample Deed. Et c'est très éclectique. Par moments, on sent des influences de Canterbury. Et d'autres fois, c'est plein d'autres choses. En fait, il y en a pour tous les goûts sur ce disque qui est très, très intéressant. On a débuté avec Shamal et leur album Turn Off. Et sur la fin, bon, je parlais de Pink Floyd, mais là, c'est quasiment plus un clin d'œil. Là. C'est franchement une référence. Vous aurez sûrement reconnu un petit bout de On the Run. Et tout au long de cette pièce qui s'appelle Never Before, qui dure 16 minutes 56, mais on entendait des références, même, je dirais, à Tangerine Dream et à bien d'autres choses. Mais ça, c'est un groupe allemand, et ça, donc ça se comprend. Et de l'Allemagne, on passe au Canada avec Half Past Four, autrement dit 4h30. Rabbit in the Vestibule, qui n'est pas un disque qui est paru cette année. En fait, ça date de 2008. Mais on les a rencontrés à la convention Terra Incognita. Il y avait une table, ben oui. Tu t'en souviens pas? Non. Tu étais occupé à jaser avec Fabio. Possiblement. Et bon, c'est pas une découverte parce que Marc, entre autres, en a fait jouer assez régulièrement. C'est un bon disque. Le deuxième, peut-être un petit peu plus pop, mais quand même intéressant. Et c'était quand même un plaisir de rencontrer ces gens-là et de jaser un petit peu avec eux autres, d'échanger un peu sur leur musique. Et en second lieu, on va entendre une autre pièce de IQ qui a sorti un bon disque qui s'appelle Road of Bones. On va entendre une pièce assez longue qui s'appelle Without Walls. Et, mais juste avant, on parlait de convention. Bon, on espère toujours qu'il y ait une convention 2015. Parce que 2014, franchement, ça a été une très, très belle réussite artistique. Il y a eu des choses vraiment extraordinaires, là. Hein, on parlait de Fabio, mais il y a eu d'autres groupes intéressants. Oui, ma belle découverte en Oil City. Ah ben oui, c'est sûr. Mais ce qui aurait pu être un flop, en tout cas, ce qui s'annonçait très mal, parce qu'il manquait un musicien de Sonus Umbra, mais finalement, ils nous ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, puis je pense que le public a été assez comblé. Mais, bon, je voulais en venir à... On veut pas rester dans le passé, parce que il y a des belles choses qui s'en viennent dans l'avenir, entre autres, pour l'automne. C'est pas les billets qui manquent à la maison, là, ça commence à s'accumuler. Oui, Steve Hackett au mois de novembre. Un beau retour, avec sa tournée qui s'appelle maintenant Genesis Expanded. Il est collé au centre d'art La Chapelle. Effectivement, ça c'est pour le mois d'octobre, je pense. Je crois... Et un petit peu plus weird, mais probablement intéressant aussi. Adrian Bello, qui est au mois de décembre, le 13 décembre. 13 décembre, juste avant les fêtes. Donc, c'est un cadeau des fêtes, si on peut dire. Bon, bon, on va y aller avec Half Past Four et IQ, si on veut avoir le temps de rentrer dans notre bloc. So So Out of go outside. And there is no reason why unforsaken heart take another shot now. Protect me from the truth. Keep that highborn hope safe and future-proof now. See you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Maintenant, à La Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à La Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... L'aube de la planète des singes, Borgman, Gérontophilie, Joséphine, Un jour sans lendemain, Les vacances du petit Nicolas, Le vrai du faux. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, Borgman, Gérontophilie, Joséphine. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Stéphanie n'a pas gagné de médaille, ni de prix honorifique. Elle ne fera pas de discours et ne signera pas d'autographe. Stéphanie vient de sortir de la résidence Le Portail, une maison de thérapie pour les femmes qui ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ce que vous entendez, c'est sa fierté enfin retrouvée. Lisez son témoignage sur résidenceleportail.org. Cultive tes goûts. Et nous sommes revenus après une petite pause publicitaire. Et, c'est comme je disais à Bruno, hein, une petite finale à la Tale from the Lush Attic pour IQ et sa pièce Fleuve Without Walls sur le disque The Road of Bone. Et cette fois-ci, c'est la dernière fois, j'avais mis le disque bonus, mais cette fois-ci, c'est le disque officiel et c'est l'édition limitée qui est recommandée parce que le deuxième disque est au moins aussi bon que le premier, je pense. Hein. On peut dire ça. Hein? Oui. Et juste avant, c'était Alpha Passport, un groupe canadien. Bon, comme on disait tantôt, on sort de temps en temps des trucs, des boulamites, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est un disque d'un groupe italien qui s'appelle Court, qu'on a écouté beaucoup dans les années 90. L'édition que j'ai, c'est la première et c'est tout simplement appelé Court. Et il y a comme une citation en arrière qui, dans les éditions subséquentes, constituait le titre. Et ça s'appelle « And you'll follow the winds rush till their breath dwells ». Donc, c'est un titre qui est assez facile à souvenir. Ah oh, ouais. Beaucoup. Je suis sûr que tu t'en souviens. Et bon... c'est un groupe qui est assez imaginatif. Il y a un peu toutes sortes de choses là-dessus. Il y a un petit peu de musique médiévale, beaucoup. Il y a de la guitare acoustique et il y a même des passages assez rock que je qualifierais même de métal. Et dans la pièce qu'on entend, Cries, une pièce quand même assez longue, là, 14 minutes 36, on va entendre un petit peu toutes ces atmosphères-là. Et ça sera suivi de Black Noodle Project, un groupe français qui a plusieurs disques à son actif. Celui-là, c'est A Purple Memory. Et j'avais essayé de la passer. En fait, ça vient d'une compilation Progressis qui vient avec le numéro 76, en fait, le dernier numéro. Et il y a un petit problème avec le disque. J'avais mis d'autres extraits, mais ceux-là ne sortaient pas. Donc, on fait une nouvelle tentative. Et on y va avec Court. On se retrouve tout de suite après. Thank you. Look, look, look, look at soldiers are crashing in the clouds. Is reflected. They see nothing but the glasses there. We'll be right back. faces from the past. Thank you. vous est présenté par La Barberie. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite, Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Cet été, au Musée de la Civilisation, découvrez l'exposition Image par Image. Plongez dans les univers de création captivants, déjantés et innovateurs des cinéastes d'animation de l'ONF qui ont repoussé les limites de leur art. Aussi, prenez part à la célébration et stimulez votre créativité dans le laboratoire d'animation. L'exposition Image par Image sur le cinéma d'animation de l'ONF au Musée de la Civilisation. Info au mcq.org. One step beyond. Demain, dès 15h30, soyez à l'écoute de C'est dans le sac pour tout savoir du Festival d'été Québec. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. Et encore une fois, nous sommes de retour pour un dernier bloc, un troisième bloc, en fait, qui était composé de Cart et de Black Noodle Project. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner. J'ai eu de la misère à mettre cette pièce-là, mais finalement, on en est venu à bout. Le lecteur l'aimait pas. Et on va continuer avec, encore une fois, quelque chose qui sort pratiquement des boulamites, un truc que tu aimes beaucoup, France. Oui, Clepsydra. Groupe suisse. Ben oui. Mais pourquoi on parle de Clepsydra? Pourquoi qu'on parle de Clepsydra? Pourquoi on parle de Clepsydra? Aujourd'hui, c'est une bonne année pour Clepsydra. Ils font une espèce de retour. Ils ont sorti une espèce de box set là, où, qui contient tous leurs disques remasterisés. Ils sont en tournée aussi en Europe. Ben oui. En espérant qu'ils vont venir au Québec. On sait jamais. Hein? On sait jamais. Ils sont déjà venus. Ben oui, ils sont venus en 98 et j'en ai profité pour faire... autographier ma copie de Fierce. Un très bon disque. Hein, c'était le premier avec le guitariste Marco qui remplaçait Lele Hoffman. Et les gars de Clepsydra sont très sympathiques. On avait eu l'occasion de jaser avec eux autres. Puis ça avait été très friendly à l'époque de l'ancien d'Auteuil. Ouais. Hein, ce qui ne nous rajeunit pas. Parce que ça fait un petit bout de temps que les murs ont tombé. Si vous avez vu un show là récemment, ben, on était intéressé à vous parler. Et bon, Clepsydra, on va entendre Cluster. Moi, une pièce qui m'a touché beaucoup. Il y a des petits airs de Marillion là-dedans, mais c'est un groupe qui a quand même sa personnalité. Et ensuite, on va entendre Idria Space Folk, un autre groupe qu'on a eu l'occasion de voir, mais pas au d'Auteuil cette fois-ci. Mais les disques sont tellement durs à trouver. C'est un groupe c'est finlandais. Et avec une drôle d'allure. Là, il y en a qui ont des tresses de rasta. Là, mais c'est une très bonne musique qu'on a associée un peu à je cherche le nom... Osric Tentacle. Oui. Mais moi, je trouve qu'ils ont leur son à eux autres. Et, un peu comme Quantum Fante aussi, qui fait un petit peu dans le même style, là, qu'on appelle un petit peu Space Rock. Moi, je trouve qu'Idria Space Folk a son style. Donc, on va entendre une pièce extraite de Symmetria. Et on va continuer ensuite avec Jellyfish. Moi, je suis toujours en amour avec leur premier album qui s'appelle Tout ce que j'ai rêvé. On va entendre dans la peau d'un autre. Ils sont en préparation d'un nouvel album et ils vont être en spectacle au Jésus. Je crois que c'est le 27 septembre. Bon, mais si vous passez par Montréal, ça va être une belle occasion. Thank you. open archways, sound of loneliness, yellow walls, color your shadows, the shouting brain seagulls in the square, forbidden ground draws the eyes. We'll be right back. dans les souliers de l'autre pour mieux paraître. Dans la peau d'un sage qui ne recule devant rien, qui avance en âge mais ne vieillit point. Dans la vie d'un autre, j'ai placé mes espoirs. Comme on place à la bourse presque tout son avoir, j'ai dépensé ma fortune dans l'illusion. Et voilà qu'il ne reste en moi que l'amertume de vivre dans la peau d'un autre qui n'existe pas. Quelqu'un suis-je, quelqu'un d'autre que moi, suis-je, j'aurais voulu être quelqu'un. Quelqu'un suis-je, Jellyfish avec Dans le pot d'un autre, hein, vraiment un très bon groupe de musique progressive de Montréal, qu'on a d'ailleurs vu à la convention Terra Incognita il y a quelques années, peut-être 3 ans. Juste avant, c'était Idria Space Folk, et on avait débuté avec les très bons Clepsydra qui, on verra peut-être, on ne sait jamais, peut-être que... mais il n'y a pas de disque qui est prévu. Non. Et comme je disais tantôt, le box set qui réunit tous les albums du groupe remasterisés, ben c'est un peu difficile à trouver. Je pense que c'est en édition limitée même. Si vous mettez la main dessus, ben dites vous pouvez nous passer le mot. Mais c'est déjà presque terminé pour nous. Je pense que ça a été un beau 2 heures de musique. Mais la soirée n'est pas terminée parce que Vincent et Jacques sont là et j'ai fouillé un petit peu dans leur sélection et je pense qu'il va y avoir une bonne nuit de musique. Et on termine avec un groupe qui n'est pas un groupe de musique progressive, mais qui en a fait quand même et qui a influencé beaucoup de musiciens progressifs. Je parle de Led Zeppelin. Avec les rééditions, ils ont sorti les 3 premiers albums en réédition et, comme je disais, ils ont trouvé le tour de me le vendre encore une fois, comme si j'avais pas assez de rééditions de Led Zeppelin. Mais le 2e disque qu'ils ont appelé The Companion vaut vraiment la peine parce que c'est plein de pièces inédites. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va entendre, c'est la pièce Thank You. Instrumental avec ce qu'ils ont appelé un rough mix without vocal. Et on se laisse là-dessus et ça fait une transition avec l'autoroute avec Vincent et Jacques. Donc, merci à Bruno pour tes bons mix toujours et merci à France. Mais surtout, merci au public d'avoir été avec nous ce soir. Bonne semaine. Thank you.